Ouais, merci de patience. Ouais, merci beaucoup pour votre patience et pour surtout votre tolérance. Voilà, nous c'était Exile, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Et un tonnerre d'applaudissements pour vous tous qui avez écouté tout ça pendant tout ce temps-là. Et j'ai envie de dire une dernière chose, à la vôtre.